Bonjour Anaïs Kier. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes un peu en écho dans votre journal de l'histoire à cette notion de révolution, parce que vous évoquez les blocages des grandes capitales avec le mouvement Extinction Rébellion. Donc vous évoquez l'histoire d'un autre mouvement de jeunesse, les enfants de la Shoah, et l'engagement militant dans les années 1960 quand la jeunesse se fait entendre. Et tout ça à travers un documentaire, c'est sur Public Sénat, très belle chaîne. Nous vengerons nos pères de Florence Josua, donc c'est le titre de ce documentaire, retrace la jeunesse des enfants de rescapés de la Shoah qui se sont engagés dans les mouvements d'extrême gauche des années 60. Nés parmi les survivants et leurs fantômes, que faire de cet héritage dans la France des Trente Glorieuses? Hélène Fettlander ouvre le film en évoquant la colère qui les habite et le rêve d'une réparation aux atrocités infligées à son père. Je rêvais qu'il y avait un officier nazi en uniforme, très hollywoodien, très beau mec, qui montait la rue Le Vert. Et à ce moment-là, moi, je sortais de notre immeuble. Il était sur le trottoir d'en face. Et donc, je traversais, je l'attrapais par les épaules, je lui éclatais la tête contre le mur. Il y avait du sang partout. Et je me réveillais et j'étais hyper contente et je me disais, je l'ai vengé. C'est une histoire de famille qui en parlait ou qui n'en parlait pas, mais toutes ont recommencé à vivre et ont élevé des enfants aux aguets face au retour du fascisme. Les témoins de Florence Josua se connaissent depuis l'enfance, biberonnés dans les camps du comité central de l'enfance, où ils trouvent une joyeuse vie collective estivale, mais aussi la politique, au vert et au son des chants des révoltes des quatre coins du monde socialiste. Ils y apprennent à espérer et à croire en leur pouvoir de transformation du monde, malgré le souvenir de la destruction. C'est l'histoire d'une génération qui avait érigé en rockstar les résistants de l'affiche rouge, symbole de la part des étrangers dans la résistance à l'occupation nazie. C'est avant 68, tout ça. Donc on est dans une conjoncture où il est normal de militer, où il est normal de s'engager, et surtout il y a une perspective, il y a un idéal. Et la perspective, c'est... Staline, c'est fini, il est mort en 53. Hein. Donc Staline, le stalinisme, il y a eu le rapport Khrouchtchev. Donc ce qui est à l'ordre du jour, c'est notre société, c'est l'émancipation. Bon, on tire les leçons de tout ça, on balaye tout ça, et puis maintenant on va construire un vrai socialisme. Et cet engagement commence au lycée, contre la guerre en Algérie et les partisans d'une Algérie française persistant, baptisée Renouveau ou Occident, Ordre Nouveau ou Occident, dans les manifestations mais aussi sur le trottoir quand sonnait la fin des cours. Parmi ce petit groupe d'enfants de la guerre, ils sont nombreux à rejoindre la jeunesse communiste fondée par Alain Krivine, puis la Ligue communiste pour poursuivre dans les comités Vietnam, la décolonisation et la guerre froide en toile de fond. Une joyeuse et bouillonnante suractivité militante avec une seule idée en tête, changer le monde pour se débarrasser de l'ancien qui avait écrit l'histoire de leurs parents, mais aussi avec un certain talent pour les démonstrations publiques de leur détermination à accélérer la venue des lendemains qui devaient chanter. Parce que dans ces années 60 et 70, le marxisme sans Staline leur donne des ailes. J'enlevais mon blouson de cuir, et donc j'ai faisais... Et voilà, nous sommes un moment de suspens où le documentaire « Nous vengerons nos pères » de Florence Josua disparaît. Mais vous, Anaïs, vous êtes toujours là. S'engager et combattre, contrairement à ceux qui n'en avaient pas eu la liberté face à l'extermination nazie, mais aussi faire le deuil impossible des déportés qui n'étaient pas revenus. La tragédie familiale ne s'échoue pas dans un bain de sang, ne reste pas à l'état de la blessure intime. C'est dans l'action collective, avec leurs semblables et bien d'autres militants, que ces enfants de la Shoah ont trouvé le moyen d'habiter le monde et de tenter d'en prendre soin. Nous vengerons nos pères, Florence Josua. C'est sur la plateforme de la chaîne Public Sénat. Et puis, de toute façon, vous retrouvez tous les liens, toutes les informations utiles sur la page du journal de l'Histoire. C'est sur franceculture.fr. Merci beaucoup, Anaïs.